Ici les gosses sont précoces donc ils se tiennent tous précaires. Les trois quarts des lascars bisent dans le tchécar. Donc l'écart creuse très peu, sont droits comme l'équerre. Très tôt le sécœur en gardant leur vie précaire. C'est clair, l'innocence s'efface en un éclair. Pratique l'art de la rue, seule chose qui les éclaire. On déclare voir de moins en moins de gamins clean. La jeunesse dit plus merci et de moins en moins elle s'incline. Dans le quartier, c'est ce qui se passe dans la tête des gosses. Ils se voient déjà patron et boss parmi les boss. Jouent aux gendarmes et aux voleurs, ils se tapent pour être les bandits. C'est de la mauvaise graine, plante carnivore quand ça grandit. Veulent pas aller au paradis, de toute façon ils n'y croient pas. Et puis si ça existe, l'enfer, ça peut pas être pire qu'en bas. La cité, les mauvaises influences font qu'augmente la délinquance pour les mineurs dans les bas-fonds. Les jeunes disent plus merci, génération sursis, la sursis. Les petits en bas sont tous endurcis. Leur décis, leur seul royaume, leur galaxie. C'est la loi de la jungle, rien à foutre de la démocratie. Les jeunes disent plus merci, génération sursis, la sursis. Les petits en bas sont tous endurcis. Leur seul royaume, leur galaxie. C'est la loi de la jungle, rien à foutre de la démocratie. Les gosses regardent de travers, mec la morale s'avère inutile de la part de leur père. Donc ils opèrent en esprit crapuleux, car pour eux réussir est sévère. Du plus petit au plus vieux dans le business, tout le monde y adhère. Traîne plus en solo, mais en groupe pour se foutre un chaos. Touche plus les stylos, mais les guns pour devenir macro. Faire de la maille pour seule ambition. Les petits en bas sont plus d'illusions. Savent qu'un grand avenir ne peut être construit qu'avec du pognon. Ils savent que le chemin le plus court est celui de la magouille. C'est plus les grands mais les jeunes de 15 ans qui braquent et dépouillent. Les gosses sont partis en couille. D'ailleurs c'est plus une surprise quand on voit un jeune se faire condamner aux assises. Qui les attise, vise la maille, faire des putains de devises. Partir en bêtise grâce aux bédos et à la tise. Porter l'uniforme croco pour être conforme aux devises. Génération en sursis, y'a que les parents qui balisent. Les jeunes disent plus merci, génération en sursis, la sursis. Ouais, les petits en bas sont tous en sursis. Leur décis, leur seul royaume, leur galaxie. C'est la loi de la jungle, rien à foutre de la démocratie. Les jeunes disent plus merci, génération en sursis, la sursis. Ouais, les petits en bas sont tous en sursis. Leur décis, leur seul royaume, leur galaxie. C'est la loi de la jungle, rien à foutre de la démocratie. Les petits ici, ils rêvent tous d'avoir un calibre. La violence chez moi, tu peux la respirer à l'air libre. Si j'en parle maintenant, c'est que je suis libre de mes mouvements. Si j'en parle demain, mon discours sera aussi déprimant. Stop tes boniments, la mère qui peut l'ignorer. Prématuré dans le vice, les gosses se sont inspirés. Tes films violents du grand de la cité incarcéré, pestiféré. J'fume la dyname pour mieux espérer. La prison, j'en parle car c'est là-bas que j'ai grandi. Pas de comédie ici, ma vie, c'est une tragédie. Ce qui fait bander les jeunes, faire tout ce que t'as interdit. Ce qui fait bander les jeunes, les tasses, les sapes, demande à Dédi. Tous ces événements, le prophète les avait prédit. Ces tours va pécher. J'observe, y'a plus rien d'inédit. 99, tu te fais tes plans pour un regard. Faire tes plans pour une casquette et mourir sur le quai d'une gare. Les jeunes disent plus merci, génération sursis.